répartition géographique et caractéristique des tribus arabes. En vérité, la vie du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, incarne le message qu'il a apporté à l'espèce humaine pour la sortir des ténèbres vers la lumière, de l'adoration des hommes vers l'adoration du Dieu des hommes. Une image tout aussi authentique que complète de ce message ne peut être obtenue que si est comparé son contexte avec ses effets. C'est pourquoi consacrons-nous le présent chapitre à l'état des tribus arabes avant l'avènement de l'islam, ainsi qu'aux conditions qui ont vu la naissance de la mission apostolique de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. La répartition géographique des Arabes. Étymologiquement, le mot « arabe » désigne des déserts et des terres arides dépourvues d'eau et de végétation. Depuis l'aube de l'humanité, il a désigné et la péninsule arabe et ses peuples. La péninsule arabique est bordée à l'ouest par la mer Rouge et le Sinaï, à l'est par le golfe Persique, au sud par la mer d'Arabie qui est une extension de l'océan Indien et au nord par l'ancienne Syrie et une partie de l'Irak. Elle représente une superficie comprise entre 1 600 000 et 2 millions de kilomètres carrés. En vertu de son emplacement géographique, cette péninsule a toujours revêtu une grande importance. Quant à son aspect intérieur, ce ne sont que déserts et étendues sablonneuses à perte de vue, la rendant ainsi inaccessible aux étrangers et aux envahisseurs potentiels, ce qui a permis à ses habitants de jouir à travers les siècles d'une liberté et d'une indépendance complète en dépit de la présence voisine de deux grands empires. Sa position géographique en fait le centre du vieux monde et l'a pourvu de liaisons maritimes et terrestres avec la plupart des nations voisines. Le nord-ouest de l'Arabie s'ouvre sur l'Afrique, le nord-est sur l'Europe et l'est sur la Perse, le Moyen-Orient et le Proche-Orient pour conduire jusqu'en Inde et en Chine. Grâce à cette situation stratégique, le nord et le sud de la péninsule arabique étaient devenus le berceau des nations et un centre d'échange commercial, culturel, religieux et artistique. Les tribus arabes. Les peuples arabes se divisent en trois groupes selon leur lignée ancestrale. Le premier groupe, les Arabes anciens, dont l'histoire est peu connue, comme les peuples de Ad, Thamoud, Tassam, Jadis, Imlaq, etc. Deuxième groupe, les Arabes de souche. Ils sont aussi appelés les Arabes Qahtaniens. Ils descendent de Ya'rub, fils de Yashjub, fils de Qahtan. Ya'rub, ibn Yashjub, ibn Qahtan. Troisième et dernier groupe, les Arabes issus de l'immigration. Ils sont issus de la progéniture d'Ismaël, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Ils sont aussi appelés les Arabes Adnaniens. Ces Arabes issus de l'immigration ont pour ancêtre premier Abraham, alayhi salatu wassalam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, originaire d'une cité appelée Ar près de Koufa, sur la rive ouest de l'Euphrate en Irak. Il est de notoriété qu'Abraham, alayhi salatu wassalam, quitta Ar pour Harran et ensuite pour la Palestine, dont il fit le point de départ de la propagation de son message. Il parcourut toute cette région. Il s'est rendu une fois en Égypte et le pharaon a essayé de nuire à son épouse Sarah, mais Dieu fit échouer sa machination. Le pharaon prit conscience de l'intensité de la relation entre Sarah et Dieu, et en guise de reconnaissance de son mérite, il lui donna sa propre fille, Hajar, comme domestique. C'est cette dernière que Sarah offrit à Abraham. De retour en Palestine, Abraham, alayhi salatu wassalam, eut de Hajar un enfant, Ismaël. Sarah en devint si jalouse qu'elle obligea Abraham à venir établir Hajar et son enfant au Hijaz, dans une vallée dépourvue de végétation, près de la maison sacrée, qui n'était alors qu'une colline exposée au torrent de pluie. Il les laissa auprès d'un arbre de haute futaie se trouvant à Zamzam, près de l'endroit le plus élevé de la mosquée sacrée. Il n'y avait ni eau ni âme qui vivent. Avant de s'en retourner en Palestine, Abraham, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, laissa à Hajar et à son fils une besace contenant des dattes ainsi qu'une outre d'eau. Il ne se passa pas longtemps avant que ceux-ci ne fussent à court de vivres, mais grâce à Dieu jaillit de la terre l'eau de Zamzam pour leur permettre de survivre. Une tribu du Yémen, Jurhum al-Thaniya, Jurhum la seconde, vint habiter à la Mecque après avoir eu l'accord de Hajar. Elle vivait avant cela dans les vallées environnant la Mecque. La version que nous lisons dans le Sahih d'Al-Bukhari indique qu'elle s'installa à la Mecque après la naissance d'Ismaël et avant que celui-ci ne soit devenu jeune homme. De temps à autre, Abraham, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, se rendait à la Mecque pour revoir sa femme et son fils. Le nombre de ses visites demeure inconnu, mais les sources historiques en indiquent 4. Dieu le Très-Haut a révélé dans le Coran qu'Abraham se vit en rêve égorgeant son fils Ismaël et qu'il se conforma à l'ordre divin. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes « Abraham, tu as confirmé la vision ». C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Sourate 37, versets 103 à 107, selon les sens des versets. Il est mentionné dans la Genèse qu'Ismaël était de 13 ans plus âgé que son frère Ishaq, Isaac, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur eux deux. Le déroulement de l'histoire du sacrifice montre qu'elle eut lieu avant la naissance d'Ishaq, l'annonce de cette dernière ayant été faite à la fin du récit coranique. Sourate 13, verset 112. Ce récit fait donc état d'au moins un voyage d'Abraham avant qu'Ismaël ne soit devenu adolescent. Dans un hadith marfoua, c'est-à-dire élevé jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, Al-Bukhari mentionne, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, les 3 autres voyages. Voici un résumé de ceux-ci. Lorsqu'Ismaël devint un homme, il apprit la langue arabe auprès de la tribu de Jurhum, qui l'aimait et le respectait profondément. Les membres de cette tribu lui donnèrent en mariage l'une de leurs femmes. Peu de temps après, Hajar décéda. Voulant revoir son fils, Abraham vint à la Mecque, mais ne le trouvant pas chez lui, il s'enquit de lui auprès de son épouse ainsi que de leurs conditions de vie. Elle se plaignit alors de leur pauvreté. Avant de s'en retourner chez lui, Abraham la pria de dire à Ismaël de changer le seuil de sa maison. Ismaël comprit le message et divorça de sa femme, puis se maria avec la fille de Mudad ibn Amr, seigneur de la tribu de Jurhum. Abraham revint visiter son fils, mais là encore, il ne le trouva pas dans sa maison. Et posant à la nouvelle épouse la même question, celle-ci répondit en louant Dieu. Abraham lui confia de dire à Ismaël de garder le seuil de sa demeure, c'est-à-dire de continuer à vivre avec la même femme, et reprit le chemin de la Palestine. Lors du 3e voyage, Abraham vit Ismaël sous un grand arbre en futaie non loin de Zamzam, taillant des flèches. Ces retrouvailles, faisant suite à une longue période de séparation, furent très touchantes, puisque concernant un père âgé, sensible et affectueux, et un enfant pieux et mûr. C'est au cours de cette 3e visite qu'ensemble, ils édifièrent la Kaaba, dressèrent ses piliers, et qu'Abraham, se conformant au commandement de Dieu, lança parmi les hommes l'appel au pèlerinage. La fille de Mudad donna à Ismaël 12 fils. Nabit, Qaidar, Abda'il, Mishma', Mibsham, Douma, Misha, Hudud, Yatma, Ya'tour, Nafis et Qaidaman. Ils furent à l'origine de 12 tribus qui habitèrent pendant quelque temps à la Mecque. Toutes ces branches tombèrent dans l'oubli, hormis celles de Nabit et Qaidar. Les Nabatéens, descendants de Nabit, établirent une civilisation florissante dans le nord du Hijaz. Ils instituèrent un gouvernement qui étendit sa domination sur toutes les tribus voisines et firent de Petra leur capitale. Personne n'osa défier leur royauté avant la venue des Romains qui détruisirent leur royaume. Les descendants de Qaidar, fils d'Ismaël, vécurent longtemps à la Mecque, augmentant en nombre au fil des années. D'eux sont issus Adnan et son fils Ma'ad, qui constituèrent les ancêtres des Arabes adnaniens. Adnan est le 21e aïeul dans la série des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que chaque fois que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam parlait de ses ancêtres, il n'allait pas au-delà de Adnan et il ne cautionnait pas les dires de ceux qui remontaient plus loin, déclarant à leur sujet « les généalogistes mentent ». Quelques savants, cependant, avancent qu'il est possible de remonter la généalogie du prophète alayhi salatu wassalam plus loin que Adnan, tenant le hadith susmentionné pour faible. Ils affirment que la lignée des descendants d'Abraham comprenait 40 ascendants entre ce dernier et Adnan. Nizar, le fils unique de Ma'd, eut lui-même 4 fils dont les descendances respectives donnèrent naissance à 4 grandes tribus, Iyad, Anmar, Rabi'a et Mudar. Les Mudar se subdivisèrent en 2 grandes branches, les descendants de Qais Aylan, fils de Mudar, et ceux d'Ilyas, fils de Mudar. D'Ilyas, fils de Mudar, sont issus Tamim ibn Murra, Tamim fils de Murra, Hudayl fils de Mudrika, les Banu Asad fils de Khuzayma et les fractions de Kinana fils de Khuzayma. De ces derniers sont issus les Quraishites, descendants de Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Fihr, fils de Malik, fils d'An-Nadr, fils de Kinana. Les Quraishites se sont à leur tour divisés en diverses tribus, dont les plus connues sont Jumah, Sahm, Adi, Makhzoum, Taïm, Zuhra, ainsi que les fractions descendants de Qusay, fils de Kilab, c'est-à-dire Abdiddar, fils de Qusay, Asad, fils de Abdil Uzza, fils de Qusay, et Abd Manaf, fils de Qusay. De Abd Manaf dérivent 4 tribus, Abd Shams, Naoufal, Al-Muttalib et Hashim. C'est de cette dernière, Hashim, que Dieu a choisi notre maître Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wassalam, a dit « Dieu a choisi Ismaël parmi les fils d'Abraham, Kinana parmi les fils d'Ismaël, Quraysh parmi les fils de Kinana, Hashim parmi les fils de Quraysh, et il m'a choisi parmi les fils de Hashim. » Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib, a rapporté que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu créa l'humanité et me choisit parmi les meilleurs êtres humains. Puis il sélectionna les tribus et me tira de la meilleure d'entre elles. Ensuite, il élut les familles et me désigna parmi les membres des meilleurs d'entre elles. Je suis le meilleur d'entre les hommes et ma famille est la meilleure. » Les Arabes et le pouvoir. Lorsqu'on étudie la sociologie des Arabes à l'époque anté-islamique, il est nécessaire de s'intéresser à leur histoire politique ainsi qu'aux religions qu'ils connaissaient afin de mieux comprendre les circonstances de l'avènement de l'islam. Lorsque se leva le soleil de l'islam, les dirigeants arabes étaient soit des rois sans réelle autonomie, soit des chefs de tribus et de clans jouissant de la même autorité et des mêmes privilèges que les rois et vivant pour la plupart dans une totale indépendance. D'aucuns étaient subordonnés à quelques monarques. Les rois arabes, dont il est ici question, sont ceux du Yémen, de Hira, ainsi que les Rassanides. Le pouvoir politique dans la région du Hijaz. En sus de la fonction de gardien des lieux saints, Ismaïl, alayhi salatu wassalam, administra la Mecque tout au long de sa vie. À sa mort, à l'âge de 137 ans, 2 de ses fils, Nabit et Qaydar, lui succédèrent. Plus tard, leur grand-père maternel, Mudad, fils de Amr al-Jurhumi, prit la direction de la Mecque, l'autorité se transférant ainsi aux Jurhumites. Les conditions de vie devenant difficiles à la Mecque, la tribu de Jurhum se mit à maltraiter les pèlerins et s'empara illégalement des biens de la Kaaba, ce qui provoqua le courroux des Adnaniens. La tribu de Khuza'a, qui s'était établie dans une région voisine appelée Mar al-Zahran, se saisit de l'occasion et avec le soutien d'une branche des Adnaniens, les Banu Bakr, fils de Abd Manaf, fils de Kinana, attaqua les Jurhum et les délogea de la Mecque. Elle prit ainsi en main les affaires de la Mecque au milieu du second siècle de notre ère. En quittant la Mecque, les Jurhum bouchèrent le puits de Zamzam et en fuirent de nombreux objets, puis effacèrent en surface toute trace susceptible d'indiquer son emplacement. Les Jurhum défaits, la tribu des Khuza'a monopolisa le gouvernement de la Mecque. Le règne des Khuza'a à la Mecque dura 300 ans au cours desquels les Adnaniens se répandirent dans toute la région du Najd ainsi qu'aux abords de Bahreïn et de l'Irak, tandis que certaines branches de Quraysh et des familles se rattachant au Kinana demeurèrent aux environs de la Mecque. Elle n'avait, avant l'émergence de Qusay, fils de Kilab, aucune responsabilité dans le gouvernement de la Mecque ni dans la direction de la maison sacrée. Le gouvernement de Qusay commença en l'an 440 de notre ère et lui permit, ainsi qu'aux Qurayshites, d'exercer un pouvoir sans partage sur la Mecque. Qusay devint alors le chef spirituel de la maison sacrée que visitaient les Arabes, venus de toutes les contrées de la péninsule arabique. Qusay fit venir à la Mecque les membres de son peuple et leur alloua, ainsi qu'aux autres membres de Quraysh, des demeures en ce lieu. Qusay construisit Dar al-Nadwa, la maison des délibérations publiques, en face de la maison sacrée. Les Qurayshites s'y réunissaient pour traiter les affaires de la cité et elle assurait leur unité et le règlement à l'amiable de tous leurs différends. Qusay conserva toutefois les privilèges suivants. Le premier, la présidence des conseils tenus dans Dar al-Nadwa, où avaient lieu les consultations sur les sujets difficiles et où étaient célébrés les mariages. Deuxième privilège, la garde de l'étendard. Il s'arrogeait le droit de confier à des chefs de son choix le commandement des expéditions guerrières. Troisièmement, l'intendance de la Kaaba, Hijaba. Il était le seul habilité à ouvrir sa porte et il était également responsable de son entretien et de sa garde. Quatrième privilège, l'intendance des eaux, Siqaya. Les Mécois remplissaient à l'attention des pèlerins des bassins d'eau où ils trempaient des dattes et des raisins secs. Cinquième et dernier privilège, la fourniture de nourriture aux pèlerins, Rifada. Qusay imposa aux Qurayshites une taxe foncière annuelle payée au moment de la saison du pèlerinage pour acheter des vivres aux pèlerins qui sont dans le besoin. Quoique n'étant pas l'aîné, Abd Manaf surpassa en dignité les siens du vivant de son père Qusay. Voyant cela, Qusay conféra à son fils aîné Abdiddar les cinq privilèges et responsabilités cités précédemment. Les actes de Qusay étant considérés comme indiscutables, sa mort n'occasionna aucun conflit parmi ses fils. Mais des tensions virent le jour parmi ses petits-enfants. Ainsi, dès que Abd Manaf mourut, ses fils commencèrent à disputer à leurs cousins, les fils de Abdiddar, ses prérogatives. Les Qurayshites se scindèrent en deux parties, et une guerre faillit les opposer. Mais ils se réconcilièrent et se partagèrent les responsabilités. L'intendance des eaux, Siqaya, et la fourniture de nourriture aux pèlerins, Rifada, échurent à la descendance de Abd Manaf. Les enfants de Abdiddar ayant gardé le restant des fonctions, la direction des conseils de Dar al-Nadwa, la garde de l'étendard et l'intendance de la Kaaba, Hijaba. Ce fut Hashim, fils de Abd Manaf, qui, à la suite d'un tirage au sort, eut la charge de la Siqaya et de la Rifada. Et à sa mort, ce fut l'un de ses frères, Al-Muttalib, fils de Abd Manaf, qui lui succéda. Ce dernier fut relevé par son neveu, Abdul Muttalib, fils de Hashim, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, et dont les fils assumèrent après lui ses deux ministères. C'est ainsi qu'à l'avènement de l'islam, Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib, en était responsable. Les autres fonctions furent réparties entre les Qurayshites, qui établirent ainsi une principauté, ou plus précisément, une sorte de petit état dont les organes rappellent de nos jours ceux du Parlement et des assemblées. Voici quelques-unes de ses fonctions. Les Banu Jumah dirigeaient la consultation du sort au moyen de flèches. Les Banu Sahm se chargeaient des offrandes et des sacrifices dédiés aux idoles et réglaient aussi les querelles et les conflits. Les Banu Asad organisaient les consultations. Les Banu Taïm traitaient les affaires liées au prix du sang et aux amendes. Les Banu Umayya portaient la bannière du peuple de Quraysh. Les Banu Makhzoum avaient la responsabilité de l'organisation de l'armée ainsi que la direction de la cavalerie. Les Banu Adi s'occupaient des ambassades de Quraysh. Le pouvoir chez les autres Arabes. Suite aux migrations des Qahtaniens et des Adnaniens, l'Arabie se divisait entre ces deux grandes tribus. Les tribus vivant dans la région de Hira étaient soumises à leur roi arabe, tandis que celles vivant dans la campagne de Syrie étaient sous la férule des Rassanides. Cette dépendance était cependant purement formelle. Les tribus arabes installées dans les steppes de la péninsule arabique jouissaient d'une pleine autonomie. Ces tribus, en fait, avaient leur propre chef. Elles avaient établi des semi-gouvernements fondés sur la solidarité tribale et l'intérêt collectif en matière de défense des terres et des biens. Les chefs de tribus jouissaient de privilèges semblables à ceux des rois et une obéissance totale leur était due en temps de paix comme en temps de guerre. Cependant, la rivalité entre cousins pour le pouvoir les conduisait souvent à se surpasser mutuellement dans la libéralité, l'hospitalité, la magnanimité, le courage et la défense des opprimés pour s'élever au-dessus de leurs concurrents et pour s'attirer les éloges des gens, notamment les poètes, qui étaient alors les porte-parole de la tribu. Les chefs de tribu s'arrogeaient une part considérable du butin de guerre avant le partage, mais également le quart du butin lors du partage, ce qu'ils trouvaient sur le chemin avant que ne s'en saisissent les principaux personnages de la tribu et les éléments du butin qui étaient indivisibles. La situation politique. Les trois régions arabes qui jouxtaient des pays étrangers se trouvaient dans une situation de grande faiblesse et d'infériorité vis-à-vis de leurs voisins. Les gens y étaient maîtres, esclaves, dirigeants ou sujets. Les maîtres, surtout les étrangers, accumulaient les avantages, les esclaves n'ayant quant à eux que des obligations. La population était comparable à une exploitation dont les produits allaient aux gouverneurs qui les utilisaient pour satisfaire leurs passions, leurs désirs et leurs œuvres iniques. Sous un tel pouvoir arbitraire, les gens subissaient toutes sortes d'injustices sans même pouvoir présenter quelque doléance que ce soit. Les tribus vivant près de ces régions oscillaient au gré de leurs passions et de leurs ambitions, se ralliant tantôt aux gens de l'Irak, tantôt à ceux de la Syrie. Tandis que celles fixées à l'intérieur de l'Arabie étaient continuellement désunies et secouées par des conflits tribaux, raciaux et religieux. Les Arabes n'avaient ni roi pour appuyer leur indépendance, ni source de soutien moral susceptible de les guider dans les épreuves. Les dirigeants du Hijaz, cependant, étaient considérés comme les gardiens et serviteurs de la maison sacrée. Le pouvoir politique au Hijaz était en fait la combinaison d'une suprématie profane et politique et d'une autorité religieuse. Les Mécois régnaient sur les Arabes au nom d'une hégémonie religieuse et gouvernaient le territoire sacré et ses environs en veillant aux intérêts des pèlerins et en appliquant les règles de la religion d'Abraham. Ce pouvoir Mécois présentait des aspects qui ne sont pas sans rappeler ceux connus de nos jours. Toutefois, il était trop faible pour assumer cette lourde charge et cela est clairement apparu lors de l'expédition des Abyssins contre la maison sacrée.